moi un jour préféré à l'amour. Un autre sentiment extrême. Je veux bien sûr parler de la haine. Quand t'as envie de gueuler, quand t'as envie de frapper, cette foutue tasse de café qui a refroidi trop vite. T'as juste envie de l'éclater, juste envie de la fracasser sur un mur, cette salope de tasse de café. Moi, ma haine est bien de l'aime. Quand tu vois l'adoration qu'on porte au Nippon, tu te demandes pourquoi on les adulte plutôt qu'on les encule. T'as juste envie d'aller casser du japonais. Tu mangeais tous ces sushis sans jamais payer. Allez, ils sont tous ensemble. Moi, ma haine, eh bien je l'aime. Car ça me fait rire d'haïr bêtement. Quand t'entends parler ces putains de féministes, j'aimerais pas trop gueuler, allez vous faire gauler. Toutes ces lesbiennes t'emmerdent tandis que nous on fait pas chier. Quand une nana qu'on connaît même pas refuse de nous sucer. Moi, ma haine, eh bien je l'aime. Car ça me fait rire d'haïr bêtement. Quand je vois des clips à la con et juste un Bieber la pucelle, tous ces grosses catins qui mouillent en le regardant. Mais c'est quoi ces cultes du minet, bientôt les bras en berceau et leur fera vendre des disques en disant qu'ils sont beaux. Et tu sais quoi, ça marchera. Ça me fait rire d'haïr bêtement.